Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 40.now. Quin, Olivier, t'es content, là? C'est comme Marvel. Mais c'est pas 39.8? Non. Là, on est à 40. Ne mélange pas le chien, Eric. OK. En passant, t'as pas ri au début de l'épisode. Non, mais 40 demain? 40, non, 40 aujourd'hui, 40.1 demain, 40.2 après-demain. Moi, je suis pas d'accord avec ça. OK, ben on s'astinera sur la route. Donc, on est présentement à La Chute. Cette année, on a varié. On a décidé de passer du Super C au IGA S. Albert. Très bonne décision en passant. Ouais, meilleur choix de variété de bière. Donc, avant qu'on commence la jasette... Choix de variété de bière, on sort avec de la Coors Light et de la Pabst. Non. Moi, j'ai trouvé une bière artisanale de l'Ontario que je suis bien content d'avoir découvert. T'as acheté une bière artisanale de l'Ontario quand ton argument, c'était on va acheter de la bière au Québec pour pas être pogné de l'acheter en Ontario. On est proche de la frontière. Fait qu'à cause de ça, j'étais tout excité. Je pensais devoir de la Steam Whistle en plus, mais j'ai juste pris de la Rolling Rock là, qui est là, les gars, la même couleur. Je mets le char sur Drive. OK. On devrait en avoir pour 2 heures. Là, on a la GoPro avec nous autres. Je sais pas combien de temps ça va durer. Fait qu'au pire, quand on fera une petite pause pupi, on changera la batterie. Mais... Ouais, mais on parle de la chute. C'est parti. On s'en va à Ottawa. Yeah. Ottawa. Fait que Nick... Le comeback un an après. Non. Non, t'es revenu une couple de fois entre-temps. What's up, everybody? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour toi? Rien. T'as viré une grosse brosse puis tu viens de te réveiller. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est comme... moi, j'ai pas lâché le Geek Collectif parce que je vous aimais plus, les gars. Là. C'est juste que j'aime mieux être là de temps en temps. OK. Comme fait que là, c'est de temps en temps. Ben, c'est ça, là. C'est sûr que le trip à Ottawa, c'est toujours le fun. Pour les gens que ce serait votre première écoute de l'épisode... je me fais couper par une Cadillac CTS. On est présentement dans ma voiture, en route, pour aller faire la couverture de l'Ottawa Comic Con. Donc, vous allez nous entendre jaser de tout et de rien, de nos attentes, du paysage. Éric parle souvent du paysage. Mais il est beau, le paysage, en passant. Il est on prend la 50, super beau, le paysage. Ouais, je suis pas tout bon bord de la route. Moi, je trouve ça toujours le fun quand ils te font virer à gauche avant d'aller à droite. Ils sont tous fourrés à La Chute. La Chute. Hashtag La Chute. Envoyez-nous vos impressions de La Chute par Twitter. Quand vous allez écouter l'épisode, on est curieux. Mais La Chute, ils ont des plus belles toilettes qu'en Suisse, ça de l'air. Oui, selon un Jean du IGA. Un Jean, je déparle. Ça va arriver souvent, c'est je conduis. Jante, André. C'est une jante. On dit ça ici, une jante? Ben, c'est sûr. Les gens. Donc, deuxième opus du Ottawa Comic Con cette année, les boys? Oui. Yeah. On était à la première édition l'année passée. J'espère qu'il va faire un petit peu plus beau parce que s'il fait frais, c'est pas parti pour. C'est pas parti pour. Pas par jeu. On n'est pas chanceux à tous les ans, on dirait, avec le Ottawa Comic Con. En plus, qu'il nous faut attendre dehors. Ben, c'est ça, la fameuse tente, là. Ouais. C'est au mois d'avril l'année passée, non? Non, même fin de semaine de la fête des mères. Ouais, je m'en souviens. Très bien. Les Canadiens viennent de perdre dans la première ronde. Fait que. Ah, c'est à cause du strike. Fait que les séries étaient C'est vrai. C'est ça, parce que là ils ont-tu gagné, hein, les Canadiens? Ils ont pas gagné, mais okay. C'est parce que l'année passée, oublie pas, quand on est parti, ils venaient tout juste d'être éliminés par Ottawa. Une des défaites les plus dégueulasses dans l'histoire du Canadien. Donnez-moi 30 secondes. C'était donc bien dégueulasse, cette petite perte à la marde, là. Arrête, c'est une belle game, pareil. Non, je parlais de l'année passée. OK, je pensais que tu parlais d'hier, j'étais là. Parce que, comme je te dis, l'année passée, ils venaient de perdre la quatrième de se faire sweeper par Ottawa. Pas sweeper, c'est 5-1, 4-1, je pense. C'était-tu 4? Non, c'était un sweep. Hein? Non, ils ont gagné un match, Montréal. Ça finit en 5. Ouais, tant qu'à moi, tu gagnais qu'un match, c'était un sweep, là. Mais il était tout fru. Je me rappelle, ce dernier match-là, il y avait juste du combat et de la bataille. Ah, puis ça avait fini comme 6-1 ou 7-1. Mais c'est pas ça le cas. Là. En ce moment, on est en série vraiment écœurante. Que tu sois fan de Boston ou de Montréal, là, on capote bien raide. C'est pour ça que Nick est assis en avant et Eric est assis en arrière. Non. Oui, puis Nick, on est des fans 5. Puis Milton est assis pas mal n'importe où pour pouvoir ramasser peu importe l'équipe. Parce que nous autres, on est le Teflon à Milton. Demain, c'est le match. Demain, on check le match entre Boys du collectif. Ouais. Deux fans des Habs, deux fans des Bruins. Oui. Ouais. deux plus gros fans. La série est égale 2-2. Parce que vous savez pas, Eric a collé du backup. Il y a deux des chums d'Eric qui vont venir joindre à nous autres. Si ça brasse, les fans des Habs vont être prêts. C'est correct, j'ai mon ami Danny qui va être là demain. Puis moi, j'ai appelé Claude Poirier. Comment c'est ça? J'ai appelé Claude Poirier. Claude Poirier, 10-4. Fan des Blues inconditionnel. Et ami personnel de Nicolas Dénommé. Oui. Aïe, aïe. Avec François Mascotte. Oui, François Mascotte. Et Marianne Thibert, peut-être. Là. J'ai eu des rapprochements avec Marianne Thibert. Ouais, tu me parlais de quelque chose avant qu'on commence l'enregistrement. Ben, apparemment, ça. Marianne Thibert, elle a enregistré une chanson récemment, Belle et Bonne. Elle a fait une tune à Belle et Bonne, qui est un cover de Painted Black des Rolling Stones. Très bonne chanson, un classique. Qu'elle cover du Rolling Stones. Puis, tu sais, quand on dit massacrer un classique, ben, elle a fait ça en chef. Mais je pense qu'elle a changé de nom. Pire que Crazy Train de Michel Richard. Écoute, Crazy Train de Michel Richard, c'était pathétique, mais au moins, c'était la version originale. Ouais, c'était les pas paroles, c'était les mêmes. Là, c'est Painted Black, chanté en français, qui s'intitule Marie Douceur, Marie Colère. Ouf! Fait que j'ai donné ma façon de penser à Marilyn Thibert sur Twitter. Elle m'a pas répondu. Elle a peut-être pas vu mon message non plus. Mais c'est sûrement elle qui s'occupe de son compte. J'ai juste fait un hashtag shot de. Shot de. Up. Shot de fuck F. up, on peut le dire. Ouais, shot de fuck mais up. Mais. Moi, à quel point tu prends Painted Black, peinture le noir, puis ça devient Marie Douceur, Marie Colère? Ben, j'ai jamais. C'est Google Translate. C'est ça, j'ai jamais Bing. Traduit. Bing. Bing Translate. J'ai jamais traduit les paroles de Painted Black. Peut-être que ça se rapproche de ça. Peut-être que c'est l'histoire d'une fille qui a comme deux personnalités. En tout cas, dans toute de Marie Hélène, c'est pas mal ça qu'elle veut dire. Là. Elle a un côté sombre et un côté plus cabinot. Fait qu'on peut-tu s'entendre que Marie Hélène Thibert, c'est un peu le mini wheat du Québec musical? Oui. Mais je l'aime pas. Tu l'aimes pas? J'aime pas cette personne. Ben écoute, de ce que tu m'as fait entendre comme vidéo YouTube tantôt, c'était. Moi, j'aime pas vraiment la chanson. L'individu, ben, j'y en veux juste d'avoir fait la chanson. Ouais, c'est ça. C'est comme. À ce qui paraît, elle a un panneau tout de suite après Bruce Campbell demain à Comic-Con. Je vais me prendre en photo avec à la place. Là-bas. Mais parlant des panneaux, justement, là, vous autres, c'est quoi qui vous branche le plus cette année à Ottawa Comic-Con? Bruce Campbell. Bruce Campbell, sans hésitation. Ouais, c'est sûr que c'est un des tops sur la liste, même le top pour moi aussi, là, je dirais. Là. Dana est là aussi, me semble, non? Dana. Ouais, Dana là, la fille qui est dans... Non, elle a dû annuler pour des engagements professionnels, malheureusement. Elle est remplacée par Charisma Carpenter. Charisma Carpenter qui jouait dans Buffy, dans Angel, puis qui a fait la blonde de Jason Statham dans The Expendables. Fait que c'est pas Dana de True Lies. Fait que c'est pas Dana de True Lies, c'est la blonde de Jason Statham. C'est pas dans The Transporter. Pardon? C'est pas dans The Transporter, la blonde de... Non, il me semble que c'était dans The Expendables qu'elle faisait sa blonde. À moins que je me trompe. Corrigez-moi sur Facebook, Twitter et autres. Je pense que c'était mais, dans Transporter, ouais, je pense. Ben non, la Transporter, c'était pas Kurilenko. La Jason Statham? Oui, mais la blonde de Jason Statham, c'est pas... À moins que c'est la Jason Statham dating Jason Statham. Là, mais... La fille dans le char, dans le fond, dans la valise, c'est ça? Ouais, ben c'est ça. Mais je pense que c'est Olga Kurilenko, je pense, qui joue dans, ouais, mais dans Transporter. Dans ouais, de quoi de même. Hello. En tout cas, Charisma Carpenter est là. Eliza Dushku, elle a dû annuler malheureusement. Christopher Lloyd encore. Christopher Lloyd, qui se rappellera sûrement pas d'Eric l'année passée. Il se rappellera pas qu'il était là l'année passée. C'est ça. Il a quasiment déposé la même question. Yo, tu vas faire ça, là. J'ai du meilleur équipement photo et vidéo. Je vais m'assurer d'être proche pour le prendre. Ok, je vais y faire. On va y poser la même question. Il y a le dos de Lord of the Ring encore, là. Le Sean Astin. Oui, ouais, il y a Robert Englund, tu sais qui est là. Kane Hodder. Kane Hodder. Il y a le gars, qui, j'ai oublié son nom, le gars qui fait Teal'c dans Stargate, SG-1. C'est pas Judge, je pense. Le black avec le logo dans le front. Oui, exactement. Puis il y a Amanda, tu sais Amanda Tapping, c'est ouais, elle qui fait Christopher Judge, dans Stargate Amanda aussi. Tapping et Martin Wood. Oui, oui, là t'as une badge de monde aussi. Martin Wood, en passant, qui va être invité avec nous autres demain à... Ça serait malade. On va être réaliste, là. Ça va être probablement nous quatre sur la brosse, là. Mais. Il y a quelqu'un qui s'appelle. Carl Urban qui est là aussi. Ouais, Judge Dredd. Ah, j'avoue, Carl Judge Dredd. Mais le dude là, qui fait la voix de Mario Bros, c'est ça? Ouais, Martinet. Ouais, Martinet, c'est ça. Mais. On s'entend que. Il n'y a personne qui a rien à lui poser à ce gars-là, puis ils veulent juste l'entendre une fois, genre faire. It's a me, Mario! Puis il drop le mic, puis il sac son dent. Il pourrait faire ça, là. On va attendre une heure. il va arriver, dire ça, drop the mic, crisse son camp, puis le monde va applaudir pendant comme le restant de l'heure. Là. J'espère que l'Internet va être bien aussi, parce qu'on a ouais. Leonard Nimoy via Skype. Puis on le sait que l'année passée, le Wi-Fi, il rushait en tabarouette dans la place. Pas juste le Wi-Fi, les ondes cellulaires rentraient même pas dans Ernest Young. Fait que j'espère qu'ils ont posé long, des trucs. Il charge. Ah, il charge, puis il charge cher aussi, là, honnêtement. 3G, il rentre. T'as-tu dit Edward James Olmos? Edward James Olmos qui est là aussi. Lui, c'est sûr que... Mais honnêtement, c'est parce que là, je l'ai vu là, pas mal. Je l'ai vu pendant la réunion de BSG à Montréal. Fait que tu sais, c'est comme... Ben, vous êtes resté quasiment rendu chummy-chummy. T'as plus vu tellement que vous voyez. Regarde, il m'a demandé de faire partie d'un revival de Battlestar. Puis... Trop occupé avec le podcast. Puis, j'ai pas le temps avec le podcast. Écoute, c'est assez big, cette histoire-là. Là, on a des GoPros vissés sur le wood. Là. C'est un gars de Battlestar Galactica. C'est aussi le capitaine dans Miami Vice et la police dans Blade Runner. Le tueur d'une des séries dans Dexter. Ouais. Pas le tueur, mais le, en tout cas, je veux pas péter un punch de la série. Tu viens-tu de spoiler de quoi indirectement? Non, mais c'est parce que c'est un duo. Mais ok. Il, ouais, mais là, le 3 mois, c'est. Ouais. Ben, oui, c'est plus 3 mois là, sans changer. Là. On a eu des nouvelles règles. Edward J. Olmos dans Portlandia. Oui, aussi, oui, dans Portlandia. Hey, j'adore tellement cette série-là. Mais mis à part eux autres, y a-t-il d'autres trucs qui vont être cool aussi à Ottawa? Ou... Ben, c'est sûr qu'il y a tout le temps, comment t'appelles ça, les petits... Les petites conférences? Oui, mais c'était pas panneau principal, mais comme tu dis, là, les mini-présentations de soit des artistes de comic book ou il y a le Battle Con qui est drôle avec les gens de... pas humoristes, mais... Improv de l'impro. Ben, des stand-up de Montréal. Là, ouais, ben l'année passée, il y avait des stand-up de Montréal en et d'Ottawa. Et d'Ottawa, là, ouais. Puis, ben, tu sais, c'est un beau petit concept qui peut être drôle des fois. Ah, c'est le fun. Qu'est-ce qu'il y a en même temps aussi, là. C'est sûr, il y a tout le temps le combat constant entre les panneaux principaux, les petites conférences, le floor. Il faut qu'on gère notre temps, là. Ouais. Mais moi, je suis excité pour le floor, là aussi. Là, ouais, ben oui. Je vais me promener plus sur le terrain, là, puis voir les petits shops, les petits artistes. Là, c'est toujours le plus cool. Mais ce que je vais essayer de faire aussi cette année, c'est que certains... parce que selon le guide média, on est supposé de caler nos entrevues d'avance, mais ça s'applique principalement pour les gros artistes. Puis à chaque fois que j'envoie un courriel, on n'est pas encore un gros média émergent. Fait que on va voir si on est capable d'avoir du monde en entrevue. Je me suis essayé. On va voir ce que ça va donner. Mais par contre, tous les petits shops, les indépendants là, qui font des BD et des choses comme ça. J'aimerais ça en passer une couple en entrevue. Ouais, honnêtement. Non, c'est sûr, c'est prendre des gens qui viennent nous rejoindre dans le lobby, là, puis à la limite, on s'assoit puis on jase un peu avec le micro puis on en profite un petit peu. Là, ça serait cool aussi. Je suis curieux de savoir, on a vu avec Yannick Lezit puis The Tribute Games il n'y a pas longtemps, le procédé pour créer son jeu vidéo d'un studio indie. Mais je serais curieux du procédé pour des BD. Ouais. Justement, tu sais quoi, t'es-tu un self-published... artiste, ou bien là je sors mon anglais parce qu'on s'en va à Ottawa, tu sais. Mais je suis curieux de savoir comment ils s'y prennent ces gens-là. Puis il y a tellement plein d'affaires d'artisanat puis tout le kit. Moi je pense que le floor me fait tout le temps triper. Mais toi t'aimes ça, José, avec les artistes aussi souvent. Ouais. C'est ça qui est avec, là, je sais. Ben moi c'est parce que c'est quelque chose qui me passionne, parce que c'est un côté de ma personnalité que j'exploite peut-être pas assez. Puis j'ai tout le temps été attiré bien gros vers les arts. Mais je suis pas bon en dessin, je suis pas excellent en photo, puis je me débrouille correct en faisant de l'audio. Fait que tu sais, c'est comme Jack of all trades, master of none qui disent, mais tu sais, de voir quelqu'un qui performe super bien, qui dessine bien, puis t'inquiète, ça me fait capoter ça. Fait que. Ils ont tout le temps des histoires cool. Belle plug de Jack of all trades. Jack of all trades, oui, Jack of all trades, c'est cool. Mais non, ça a bien l'allure, puis sinon, ben c'est sûr que Ottawa, c'est une belle ville, on est dans les suites. Fait que, oui, on va avoir du fun. On va aller trouver, en tout cas, là-bas. De Floor, là, des comics, peut-être que j'ai hâte de fouiller. T'as-tu emmené des comics faire signer, toi? Parce que récemment, non, là, on a vu que t'as récupéré tes BD, puis... J'ai fait le tour, j'ai carrément oublié de... Je voulais amener, il y a le gars de Ren and Stimpy, si je me souviens bien, qui est là. Ah, c'est pour puis ça que Chris, il avait fait printer son T-shirt. Ouais, mais c'est ça, puis... En tout cas, ça m'a comme sorti de la tête cette semaine, puis j'étais un peu occupé, puis je voulais sortir mes... Les Ren and Stimpy, les Marvel Zombies, à toutes les fois qu'on va à un Comic-Con, le gars qui dessine ça, il est là. Mais il n'est pas écrit dans le livre ou comme sur le site web. Fait que là, je me demandais s'il allait être là pour de vrai. Fait que j'ai amené, j'ai comme choqué un peu. Mais je vais essayer de chercher là-bas s'il n'y a pas certains numéros que j'ai mis déjà comme en photo dans mon cell que je sais que je veux m'acheter pour faire signer comme des Agent Venom que je parlais dernièrement. Ou, mais ça, tu vois, il y a une affaire que j'ai remarqué, par exemple, puis qui m'a fait un peu débuzzer. quand on était à Montréal l'année passée, là, ma blonde, elle checkait pas mal sur Amazon en même temps qu'elle magasinait. C'est cher, finalement, des conventions, des fois. Hein. Tu sais, des graphic novels. Ah, là, elle checkait sur Amazon avec le free shipping, puis elle checkait le gars sur le boat là qui en profite. Oui, c'est cool, tu l'as dans les mains, mais des fois, il y a des affaires qui sortent une différence de 10-15 piastres. Mais en même temps, je veux dire, l'avantage que tu as, c'est que tu as une chance d'avoir l'artiste qui te signe gratos aussi. Ça dépend quoi. Non, c'est ça. Mais ça dépend quoi, ta jette, ça. Elle est déjà ta belle vue en passant. Éric et sa vue. Non, ben, c'était écœurant. Ouais. Non, mais c'est toujours le fun. Mais la 50, ça a toujours été le fun de se promener là-dessus aussi. Là. Hey, parlant de la 50, au bout de la 50, il paraît qu'il y a une LCBO. Puis ma soeur m'a demandé d'arrêter pour que j'y ajoute genre une caisse de 12 bouteilles de Wayne Gretzky vin. Attends un peu. Wayne Gretzky fait du vin. Ben, je sais pas si c'est lui qui le fait, mais il y avait un vignoble à Niagara Falls, si je me trompe pas. Puis c'est ça. Ma soeur, qui est une fan de hockey, et toute la famille, son fils et mon neveu et son chum, tout là. En tout cas, j'espère qu'il est mieux à faire du vin que gérer une équipe de hockey. Je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, en gros, pour dire que ma soeur aimerait ça qu'on arrête dans une LCBO vu qu'on était à Ottawa. Ben écoute, moi, tu parles de Wayne Gretzky qui fait du vin. Moi, je pense qu'on va y goûter au vin aussi. On achète une bouteille pour barre. C'est 14$ en plus de la bouteille. Non, mais c'est normal, c'est en Ontario. Au Québec, elle sera au moins 18,75$. Ouais, ben c'est sûr. Ben, il n'est pas disponible au Québec en passant. Il paraît que c'est exclusif à l'Ontario. Fait que, attends, là, on a déjà le hashtag. C'est fédéraliste Wayne Gretzky. Le hashtag La Chute, le hashtag Wayne Gretzky Wine. Puis le hashtag GCOCC 2014, qui va être la meilleure façon de nous suivre pendant la fin de semaine. Toutes nos photos, les posts. Juste le Comic-Con. Exactement. Puis si vous avez des questions pour nous autres aussi, ben n'hésitez pas. Parce que cet épisode-là qu'on est en train d'enregistrer, là, on est vendredi matin. Ça va être en ligne probablement soit vendredi après-midi ou vendredi soir. Fait que tout au long de la fin de semaine, quand vous avez écouté ça, ben n'ayez pas peur d'interagir avec nous autres si vous avez des questions, n'importe quoi. Des commentaires ou vous avez des demandes spéciales du genre prendre une photo avec un personnage de cosplay différent ou des trucs comme ça. Là. Ça, c'est une affaire, le cosplay, vous autres. Tu sais, à Montréal, on avait eu Jessica Negri, on avait eu... c'était qui l'autre qui était avec? Je me souviens pas son nom, malheureusement. Mais là, on a Kassalra ou Elfie, des cosplayers qui viennent de l'Europe. Puis moi, je les connais pas pantoute, eux autres. La seule que je connais, c'est Destiny Nicholson qui va être là. Puis tu sais, c'est une star émergente un peu dans le domaine du cosplay. C'est-tu quelque chose, vous autres, que vous trouvez que ça prend de l'ampleur dans les Comic-Con? Ou... Ben, ça a toujours été le cas. Ça prend de l'ampleur, mais personnellement, j'aime voir les résultats, j'aime voir les gens déguisés qui se promènent, qui font quelque chose. Les panneaux qui parlent de comment créer des affaires puis tout, je m'en calisse. T'sais, excusez la façon de le dire, mais m'en fous. Je veux pas le savoir comment tu le fais ton costume, je veux pas savoir des trucs de couture. Ok, oui, peut-être si on peut dire que c'est relié ou pas. T'sais, c'est pas un débat de sa place ou pas. Mais je sais pas, je trouve que ça fait perdre peut-être des places pour des conventions plus intéressantes avec des artistes ou des producteurs, des peu importe qui, là, des Q&A. Mais ça, c'est une affaire que je me demande, justement, parce que tu dis que ça fait perdre des places. Mais c'est un artiste aussi, c'est un art, ça aussi, dans un sens, là, le design de linge, la création, c'est... Mais tu sais, ils mettent beaucoup de temps dans leur costume, des choses comme ça, puis moi, je pense, je vais aller assister à un panel de cosplay cette année, puis je vais aller découvrir ça pour les auditeurs, puis pour moi aussi, ma culture générale. C'est quand dire, ma mère est couturière d'expérience, ça fait des années là-dedans, puis tu sais, je connais comme trois mots là-dedans, mais il doit avoir une technique, il doit avoir, tu sais, moi, je suis tout le temps curieux, comme j'ai vu à un moment donné, je voulais me faire une armure de Commander Shepard, rien de moi, là, je m'en fous, là. Mais le gars, il prenait, tu sais, les matelas en foam que t'achètes, puis les kits jutsu ou mettre dans le fond du garage, le gars, il prenait ça, puis il moulait autour d'un genre de set d'épaulettes de football pour essayer de faire une armure, puis... Moi, c'est l'ingénieur. Tu sais, ils sont très ingénieux, ils sont très créatifs, puis ils s'arrangent avec des affaires random. Là. Le gars qui a décidé de prendre un matelas en foam puis de le molder pour se faire une armure, moi, j'ai un méchant gros respect pour ce gars-là. Puis ça, ça me fait flipper de savoir justement, ah ben regarde, c'est supposé être du cuir, mais j'ai pris tel autre matériel parce que ça résiste plus, puis ça se travaille mieux. Puis... Fait que je vais essayer d'aller voir une conférence de ça, voir ce que ça donne un peu. Ah, ça peut être intéressant quand ça t'intéresse. Puis c'est comme je te dis, j'aime voir les résultats, mais tu sais, j'ai pas le goût de partir à faire de la couture puis de me déguiser nécessairement. Fait que c'est comme le processus d'arriver au résultat m'intéresse moins. Ouais. Mais je comprends que ça l'intéresse du monde et que ça a sa place là dans un sens. Mais moi, j'aimerais mieux d'autres choses. Tu touches un sujet important, Joe, là, puis je trouvais ça le fun. Tantôt, tu parlais, tu sais, comme là, j'ai peut-être l'impression que certaines personnes, quand elles sont invitées, s'enlèvent de la place pour d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que dans Comic-Con, ce qu'ils commencent à faire, ils font du surbooking, dans le fond. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui annulent. Puis Ottawa, sont, malheureusement, sont malchanceux là-dedans. Mais cette année, là, excuse de te couper, ben, mais pas la tout. Seule que j'ai vue, c'est la fille que vous avez parlé tantôt. À date. À date, mais l'année passée, puis à Montréal, puis à Ottawa. Puis je sais pas si c'est le meilleur job de réseau social ou de quelque chose. Mais il y a du monde que un mois avant, ça commençait à être annoncé puis à être droppé que non, je serai pas là, non. Ben c'est ma crainte, parce que ça droppe comme des mouches des fois. Comme l'année passée, Ottawa m'a dit de quoi, ça a droppé rapidement. Ils ont perdu beaucoup d'invités, puis ils sont très réactifs par contre. Tu sais, comme là, il y avait pour les photo ops d'Elisa Douchkou, ils ont décidé de rembourser immédiatement, ils ont transféré, ils ont avisé les gens en avance. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont pas mieux dans ce temps-là d'en booker plus? Parce qu'il y a toujours du monde qui cancelle. Parce que sinon, si t'en bookes, mettons, tu prends... tu sais, je te donne un exemple, là. T'as 15 places, puis t'en bookes 15, mais finalement, il y en a 12 ou 11 qui se présentent. Ben, t'as quand même des plages horaires qui sont vides. Ouais, mais tu peux techniquement pas booker quelle personne. Il faut que tu fasses des dépôts, j'imagine, des affaires de même. Ben, c'est ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. J'imagine il doit avoir une caution, ils doivent payer un peu. Des affaires de... Ouais. Je te réserve ma fin de semaine, fait que... Mais moi, je suis pas mal sûr que le gars, quand même, avec les rollerblades, va être là. C'est vrai. Ah, mais lui, le gars, il était écœurant, puis il faisait une méchante bonne job l'année passée, parce que le centre de convention est quand même assez grand. Fait que c'est... Wow! Excusez-moi. On vient de voir une police faire un 360 degrés one-shot sur l'autoroute. Lui, il a décidé de partir après le gars qui roulait à 130. Fait que... OK. Wow! C'était pas nous autres. Ça, j'écoutais, c'est Stunt Busters à la TV l'autre fois, random de même. Là. Apparemment, pour flipper de même, il y a une technique spéciale. Faut que tu sois à peu près à 35 000 à l'heure maximum. Puis tu te mets en reverse, puis t'écrases. Puis le gars, il montrait comment faire ça à la télé. Mais tu sais, ils te mettent le petit fine print, comme la police vient de faire. Mais ils te mettent un petit fine print en bas de l'écran, là, un petit caractère vraiment tout miniature. Cascadeur professionnel, ne pas répliquer ça à la maison. Mais tu sais, ils te passent ça, mettons, l'école finit à 3h30, fait que c'est à 4h, tu sais. Quand tout le monde d'influence écoute la télé, je trouve ça un peu drôle. Mais non, on parlait du gars avec ses rollerblades, c'est ça, c'est que Ottawa Comic Con, dans le fond, c'est un gros centre de convention. Puis t'as comme le bénévole, ben, il doit pas être bénévole, lui, il doit être payé, là, mais le maître d'orchestre un peu. Là. Et les rollerblades de même, ça se paye. Il se promène en rollerblade, puis il te cale les shots, il te fait organiser les line-up, les affaires de même, puis lui, il patine, puis il est dedans. Même sauf que ce gars-là, il run le show. Là. Ah non, non! Ben, il a son petit, Mic, ouais. Son petit casque d'écoute avec ses walkie-talkies, là. Mais le dans gars... Dans le poignet aussi, je pense. Dans ses sécurités de poignet, il y a des mics, on dirait qu'il se parlait des poignets l'année passée. Non, ça, c'est juste un toc qu'il y a, le gars. C'est ça. Il est pas tout là. Trop de cocaïne, qui était jeune, il se parle des poignets. Mais c'est vraiment malade le voir aller, puis il cale la chatte dans les line-up. Là. Moi, j'espère qu'on va revoir la version portoricaine de Lando Calrissian. Ouais, ça c'était écœurant. Parce que ma photo est sortie beaucoup trop floue l'année passée, puis je veux la revoir. Là. Fait qu'il était écœurant, il était pareil. Là. Là. Ouais, ouais. Mais non, mais écoute, il va revenir Lando, là, voyons. C'est le seul qui n'a pas été rappelé pour Star Wars. Burn! Pourquoi? Ouais, ben écoute, il n'y avait plus de l'air tout là aussi, hein. Tu sais, quand tu penses qu'Harrison Ford a quasiment le même âge que lui, puis Harrison Ford est encore tout là, puis il est correct, puis quand il se fait un truc de magie, il dit au monde « Get out of my fucking house! » Ouais, mais il a eu plus d'argent puis plus de contrats vivables entre-temps, fait qu'il a pu comme s'occuper de lui-même probablement plus que Lando. T'es en train de dire que Lando, avec ses annonces de Code 45, il a pas eu le temps de s'occuper de lui-même? C'est pas pareil. Fait que toi, Nick, dimanche matin, photo avec Bruce Campbell? Oh yeah, mon idole de jeunesse de toujours. C'est comme le premier film d'horreur que j'ai vu de ma vie, c'est Evil Dead. OK. J'ai vu en français l'Opéra de la Terreur, je devais avoir comme 7 ans. Le pire nom au monde, mais... Ben, non, c'est pas ça que ça fait bien pareil. Non, c'est un beau nom, c'est pas une belle traduction, mais je trouve que l'Opéra de la Terreur, mais c'est... C'est un beau nom pour un film, mais la traduction de qu'est-ce que ça veut dire... Bruce Campbell, c'est comme... J'ai toujours trippé dessus... T'as pas un tatou de Bruce Campbell dans le dos? J'ai un tatou, on se fait faire ça cette année. Le tatou sa face, une face tirée d'une scène de Evil Dead 2. Nice. Puis écoute, c'est vraiment, je dirais pas un rêve, là. Je pense pas à lui tous les soirs en me couchant. C'est pas un rêve de rencontrer. T'as bien dit couchant, en me couchant, oui. OK. Mais je suis quand même content, tu sais. Écoute, c'est quand même. Ça va être cool. Une photo, ça va être un beau souvenir. C'est ça, ouais. Je suis comme excité, un peu comme une petite jeune adolescente qui rencontrerait One Direction. Je me sens un peu de même. Tu vas-tu lui demander de te chanter une chanson? Non, je vais faire. Je vais peut-être demander de signer mes boules. Nice. Mais j'ai jamais fait de photo op en plus, fait que ça va être cool de voir en fait, moi, tes impressions de comment ça se passe. Je voulais pas nécessairement le faire, mais merci André, c'est comme mon cadeau de fête qu'il m'a offert. Ben, tu tripes dessus, puis honnêtement, je savais pas trop quoi te donner. Tu sais, quand j'ai vu les autres cadeaux, je me suis dit, ouais, ça, finalement, ça fit dans la thématique. Tu avais tout déjà. Tu avais une machette qui sert à ouvrir des bières puis qui a cassé des gueules. Tu as reçu un gâteau écœurant. Un t'as, gâteau t'as... De la toune de What the Fuck. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu avais plein d'affaires. Tu avais tout pour toi, Nick. Le gâteau jouait la toune. J'avais tout et il me manquait juste Bruce Campbell. Ouais, puis Bruce Campbell, il charge cher. Fait que tu as une photo avec, bâtard. Mais c'est quand même cher. Ben c'est cher et pas cher en même temps. Pas, c'est 50$, t'as une photo signée. Mais j'ai déjà vu des photos à 200$. Là, ben c'est ça. C'est pas cher pour comparer à d'autres photos. Non, je pense que l'année passée, c'était le... Batman et Robin. Adam West. Ouais. Ils chargeaient cher, eux autres. Ouais. Non, mais la photo... C'est cool, pareil, ça te fait des beaux souvenirs. Ouais. Mais question de même... Faut-tu absolument que tu y ailles juste comme tout seul? Il n'y a pas personne qui peut, mettons, aller avec toi, mais pas être dans la photo. Dans les règlements. J'avais vu des règlements, là, il fallait que tu payes deux, mais faut que tu payes comme deux shots. Là. Tu peux être comme avec ton chum, mais faut que tu payes deux fois 50. Okay, c'est 50 par personne, mais... C'est pas, tu peux pas avoir comme deux photos. Il faut que tu ailles deux photos. Tu peux avoir deux photos, mais tu peux pas avoir comme une seule. Avec les deux, Ça, c'est de la photo que tu payes. Mais moi, si je suis pas dans la photo, je peux juste venir tenir les affaires Nick, exemple. Pas que je veux faire ça, mais tu sais, j'imagine, je sais pas, gars, écoute, peut-être. Tu veux te rien, non, mais tu sais, je tiens tes affaires ou. Peux-tu tenir les boules à Nick pendant qu'il Sans doute, tu parlais de BD pour faire signer, tout ça. Moi, j'ai amené une couple de trucs. Tu checkeras, parce que je sais pas s'ils signent. Parce que tu peux aller à la table pour faire signer des choses. Ok, ouais, c'est ça. Puis tu peux aller, après ça, prendre ta photo avec. Parce que les signatures, je pense que c'est leur manière de faire du cash aux invités. Okay, ça a l'air niaiseux, mais oui, ils se font payer un petit cachet pour la fin de semaine. Mais je pense qu'eux autres, de la manière que j'ai entendu, parce que dans d'autres podcasts, j'ai entendu beaucoup des invités expliquer comment ça marche. Ils payent leur billet d'avion, ils payent leur hôtel, ils payent leur bouffe. Eux autres sont payés un petit cachet par l'événement, c'est sûr et certain. Mais ça a l'air que, mettons, ils font ça vraiment par trip parce qu'ils sortent pas beaucoup de cash. Le seul moyen de faire du cash, dans le fond, pour eux autres, ben, c'est ça, c'est de vendre des photos et des signatures. T'sais. Fait que, regarde, moi, je ne prends pas à pitié, là, j'essaie pas d'excuser personne. Parce que c'est sûr qu'en disant ça, il y a 8 personnes qui me reply. Voyons, c'est une nom plein d'argent, les autres, des vedettes établies. Puis de... Regarde, OK, c'est correct, là, mais. Moi, j'ai dit ça de même, mais j'avais entendu dire, je pense que c'était William Shatner. Ouais. Ben, quand il faisait des Comic-Con de même, les dépenses de déplacement, hôtel, tout était payé par ses premières photos, si on peut dire. Ouais. Et tout le reste du profit était remis à des œuvres de charité parce qu'ils s'en calissent. Ben, tu vois, regarde, c'est pas cool. Pas des œuvres de charité, mais ils se calissent d'argent fait là. Il dit, moi, je le donne, puis je rencontre des fans. Puis c'est un monsieur qui est assez... Ouais, Will Shatner, en plus, il était showman. Moi, c'est dans les meilleurs panels que j'ai vu de Comic-Con, c'est William Shatner. Puis, celui quand il avait fait le Star Trek Reunion avec Patrick Stewart, c'était fucking bon, ça. Non, j'ai juste vu Patrick Stewart. Ça. Mes deux meilleurs panels, c'était ça. Shatner, c'est son âge qui me fait triper, man. Ouais, hein? Une fois que je le vois, je suis comme, si je donne 60 ans, là. Il y a eu une vira. 80 cubes, là. Ben, tu sais, il y a eu une vira. Il y a eu, genre, je pense qu'il y a eu des problèmes. de sourdité, il y a eu des problèmes dans la vie. Il a eu une vie quand même assez rough, ce monsieur-là. Des problèmes d'avoir de l'air comme « the ideal man of the 50s ». Mais non, mais c'est malade, c'est honnêtement. Vous autres, vos meilleurs moments à date, là, parce qu'on a fait une couple de Comic-Con ensemble, là, c'était quoi vos meilleurs moments de Comic-Con? Moi, c'est tout Montréal, là, je veux dire. J'adore les Comic-Con de Montréal. Mais c'est à quoi je suis plus fan de jeux vidéo. OK. Puis à Montréal, les panels qu'il y a sur les indie developers puis la scène de jeux vidéo à Montréal, je trouve ça écœurant. Puis on n'a pas de convention de jeux vidéo à Montréal. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de genre de Arcadia comme qu'on a eu qui n'était pas vraiment ça non plus. Arcadia, c'était comme un showcase de fraudeur. Ouais. Pas les compagnies. Non. Mais tu sais, à cause qu'on n'a pas quelque chose comme ça, quand tu vas au Comic-Con à Montréal, j'aime voir les panneaux de jeux vidéo et tout. Puis à date, je pense, par exemple, dans les discussions... Il n'y en a pas, hein? À Ottawa, je pense, beaucoup, en tout cas. Non, mais à Ottawa, l'année passée, j'avais aimé... C'est quoi j'avais aimé l'année passée? Il y en avait un, c'était pas Mass Effect ou c'était à Montréal, ça? C'était à Montréal, le showcase de Mass Effect. Non, à Montréal, il n'y a rien jeux vidéo, là. Ouais, il n'y a rien. À Montréal, il y en a beaucoup de jeux vidéo. À Ottawa. Mais attends, il va peut-être en avoir un peu, là, parce que là, il y a Ubi Toronto qui est ouvert, fait qu'ils vont peut-être avoir une présence là-bas. Mais il faut dire que Montréal était présenté par Sony aussi. Sony avait pris le sponsor du dernier. Ouais, ouais. Puis c'était Sony PlayStation Presents Montreal Comic Con. C'était super le fun de jouer à un jeu de course qui n'est encore pas sorti. Ouais, il y avait des trucs cool pareil, mais moi, il y avait le boot de BioWare à Montréal qui m'avait fait triper. Qu'est-ce que EA ont présenté à Montréal, c'était écœurant. Ouais. Les panneaux que tu avais sur Story Writing, tu avais tout le monde pas mal responsable de Mass Effect et Dragon Age qui tentait de jaser. Tu n'avais pas vu le panel aussi du gars qui a fait Contrast avant que ça sorte? Oui, il y avait ça. Ça, tu avais trippé, il me semble. Là, tu m'as montré une vidéo comment que le gars avait codé le fait que tu passais dans l'ombrage puis le jeu puis Non mais ça c'était très cool, puis en passant Contrast il est sorti maintenant puis très bon comme jeu. Allez l'essayer, il était pas gratuit puis PSN Plus je pense, il n'y a pas longtemps. Ouais. puis quel autre que j'ai... Ah ben j'avais aimé avec le Comic Con à Montréal aussi pour les panneaux de EA, il y avait la femme qui était en charge. Ah, Jessica Marazin. Yo, ouais, elle est bonne elle. Mais ça c'est la community manager de BioWare. Je me souviens pas si elle le fait encore, mais c'est vrai qu'elle animait bien ses panels, puis elle avait un petit ton sarcastique un peu, puis c'était cool. En tout cas, j'aime ma femme, là, mais ça, c'est le genre de fille qui me fait triper aussi. Ouais, mais c'est sûr qu'étant dans le domaine connexe, puis c'est sûr que ça rajoute un charme. Non, c'est juste son attitude. OK. C'est une femme, là, fin vingtaine, début trentaine, là, de je sais pas, une 90s girl. Là, ouais. Je t'habille en fluo. Non, ben, en passant à porter les mêmes pantalons les 3 jours, mais ça, c'est un autre histoire. Ouais, mais ça, c'est une plug. Ça, c'est, j'avais vu ça circuler. Là. T'avais des filles, là, justement, qui en jasaient à un moment donné. J'étais sorti d'un panel, puis je pense que c'était des Black Milk Leggings, ou je sais pas trop quoi, qui ont fait des éditions spéciales de Mass Effect, puis toute la kit. Puis elle devait s'avoir fait donner ça, puis genre, je t'ai donné, mais porte-le en public. Là, OK, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, elle les a porté les 3 jours. Ouais. Ah, ça, t'avais vraiment deux filles, je suis sorti du panel. Puis, oh mon Dieu, t'as-tu vu ces leggings? Puis attends, tu sors du panel, puis tout ce que tu te rappelles, c'est les leggings de la fille, là. Ben, gars, ça... Ouais. Ils ont donné... J'avais reçu le livre aussi, là, qui prépare pour Dragon Age Inquisition. Ouais, que tu m'avais donné, en plus, parce que t'en avais gagné un deuxième, je pense. Ouais, mais c'est parce que je posais les mêmes questions. Je posais des questions, je savais qu'ils donnaient des livres. Ça me fait penser... J'espère qu'ils vont être là cette année à Montréal, puis qu'ils vont parler de Dragon Age Inquisition. Ça serait cool. Ben, je te dis, Montréal... J'adore... Ottawa, qu'est-ce que j'aime, c'est le road trip avec les gars. Okay. J'aime le Comic-Con, il est le fun aussi. Mais je veux dire, on va pas en faire une compétition non plus. Ouais, puis là, on va... Vous autres, essayez-vous Québec cette année ou... Non. J'aime pas que Québec, je déteste cette ville-là. Ah. Là, je trouve que ça commence à être trop. Ça commence à être beaucoup un peu. Ben, trop dans un rayon... Ben, c'est ça. C'est rapproché. C'est pas comme si ça aurait été, hey, Vancouver, Comic-Con, tu sais, genre... C'est ça, là, c'est comme Québec, Montréal, Ottawa, là, c'est... C'est tout à 2 heures de distance chaque, là. Moi, next, ils vont avoir une équipe d'hockey. C'est fuck that. Mais moi, je pense que je vais aller au moins faire un tour à Québec. Au moins une journée. Je sais pas si on va passer 3 jours. Ça dépend. Mais ça je vais aller regarder. Là. Ça dépend des invités aussi qu'il va y avoir. Là. Ouais, ben c'est ça. T'sais, c'est encore tôt pour dire. À date, ils ont Boba Fett. Mais moi, il y a une chose que. Boba Fett, ça c'est cool. Ils ont annoncé Boba Fett de vie. Martin va triper bien raide. Fait que ça, c'est sûr. Mais il y a une affaire que je trouve cool. C'est ça, c'est que Québec, par exemple, la crowd là-bas. T'sais, on parle souvent de la boutique imaginaire là-bas, mais la crowd geek de Québec, je la trouve plus... Ben, le vibe de Québec en général, le monde sont plus smooth et sont moins haters un peu. C'est peut-être une perception que j'ai, mais le monde sont plus relax. Ils vont parler de ce qu'ils aiment versus ce qu'ils aiment pas. Tu sais, quand j'ose souvent sur Internet avec des gens qui viennent de la région de Québec, ils vont en parler en français tranquilles. Parce qu'ils comprennent pas l'anglais la plupart. Puis au Comic-Con, le monde va tout parler anglais, fait qu'ils comprendront rien. Excusez le monde de Québec qui parle anglais, là, mais à toutes les fois qu'il y a quelque chose, il me semble que c'est ce monde-là qui chiale. Ouais, mais regarde, à la limite, ça, c'est un problème linguistique, mais je parle en tant que tel, personne chiale sur bien des affaires. T'sais, ils sont tout le temps plus paisibles. Ouais. Fait que je suis curieux de voir l'ambiance qu'il va y avoir justement à Québec pour ça. Il y a personne qui chiale sur Internet. Ben non, personne qui chiale sur Internet. Jamais. Haters gonna hate. Fait que toi, Eric, c'était Montréal, c'était jeux vidéo. Toi, Milton, moment favori de Comic-Con à date? Le Tim Horton de tantôt, il était bon. Ouais. Attends, ton highlight de Comic-Con? Des 3 ans. Toutes tes 3 ans, OK? Non, mais je... En passant, Milter commande 2 toasts extra bacon. Oui. Non, excuse, un ordre de toast. Un ordre de toast. Avec 2 extra bacon. Avec 2 extra bacon. Essayez ça, c'est très bon. Chaque bouchée enlève 25 minutes d'espérance de vie. Mais ça vaut à peine. Mais rajoute 30 points de charisme. C'est ça. Mais par ces calculs-là, t'as été mort en 1800. Mon bonheur augmente au fur et à mesure. Ah, Milter, son espérance de vie est dans le négatif. C'est ça. Mais mais pour. Un Orient. Oh! Non. Un Orient. C'est sûr, un arbre. Ouais. Mon highlight, je le sais pas, parce que j'ai tellement des beaux moments de tout. Genre, là, moi, c'est con, mais j'aime ça fouiller. Fait que quand je trouvais des petites perles, là... Toi, tu parles fouiller dans... Tu parles dans les affaires à acheter, là. Fouiller dans le stock, là, à acheter, là. Des fois, là, quand c'est du petit neuf, là, pis toutes les... Tu sais, exemple, c'est plate à dire, mais une boutique HMV, là, qui est dans un Comic-Con, je m'en fous. Parce qu'ils vendent le même prix que dans le magasin. Ouais. C'est le même stock, c'est n'importe quoi. C'est les affaires qui sont sur leur planogramme. Puis, gars, on s'en calisse, je vais aller à Laval, puis je vais... Je vais aller l'acheter là, à la place, tu sais, il n'y a rien de rare. Fait que je vais dans les places où que le gars vend des cartes comme j'avais vu avec Nick l'année passée, des Garbage Pail Kids, une boîte pleine à 30$. T'sais, j'ai le goût d'acheter ça juste. On l'a regardé longtemps. Hey, on passe 45 minutes, on s'apprêtait entre nos mains comme on l'a jeté. Je me souviens être passé à côté de vous autres, là, puis c'était vraiment comme. Hey, faudrait apprendre, mais là, ouais, on l'achète. Ah, puis c'est cher, mais. Ah, puis vous aviez l'air pas vraiment. Cher, pas si cher que ça. Quand j'y repense, il y avait comme 40 paquets pour 35$ dans une crise de boîte. Mais c'est là que tu vois que. En arrière de la table, c'était un passionné puis pas un vendeur. Parce que ce gars, il avait juste à faire « Hey, come on, guys! » Puis vous auriez sorti le cash tout de suite. Cette année, je vais y repenser parce que je l'ai regardé aussi à Montréal. Là, quand quelqu'un était là, je me souviens, je l'ai sorti du bac puis j'ai fait « Hey, check ça! » Puis j'y repense, là, ce gars, pour 20$, là, ça me dérange pas, je pense, d'avoir 20 paquets que je pourrais pendant un podcast qu'on enregistre à l'hôtel, puis juste pour le fun. Puis je suis sûr que si on fait des échanges, si on la jette à deux, on peut sortir la série au complet de chacun. Là. Il y a comme 50 cartes dans la série au complet, puis il en donne 20 par paquet, là, tu sais, il y a ce qu'il y a de même. Là. Ouais. Mais, fait que toi, dans le fond, t'es un peu acheteur, collectionneur. Un peu, là. J'aime mes petites affaires rares, j'aime mes affaires que, tu sais, dans ma jeunesse, j'ai peut-être passé à côté parce que j'avais pas d'argent, puis le petit côté nostalgique, si on peut dire. J'aime les côtés fouillés, des affaires vestimentaires que je trouverais peut-être pas ailleurs. Il y a toujours des t-shirts le fun quand même, ils ont même des robes de chambre du Joker, tu trouves pas ça à toutes les... à toutes les conventions peut-être, mais tu trouves pas ça à tous les magasins de... Mais moi, il y a plein d'affaires, justement, là, tu sais, c'est comme la dernière fois, là, puis... C'est con à dire, mais on dirait que j'ai pogné l'âge où je réévalue mes achats. Puis, tu sais, sur le Comic-Con, je vois un hoodie, là, mais tu sais, c'est Chewbacca à l'extérieur, là, en poêle avec telle affaire. Puis, je fais comme, oh fuck! Puis là, je veux l'acheter, puis là, je trippe, là. Mais je me dis, hey, comme, hey, faut vraiment que je me le procure. Mais là, d'un autre côté, j'y repense par après, je fais, t'aurais mis ça quand? Puis, on dirait, c'est là que j'ai de la misère à faire. Ben ouais, meeting à job, t'arrives à. Pourquoi tu sacs les briques de même? Excusez-moi. Parce qu'il regarde qu'est-ce qu'il arrose. Mais non. Je viens de réaliser qu'ils sont en train de laver la craque de fesses du pont. Ben, c'est correct. Écoute, regarde. Tout le monde faut se rincer le cul une fois de temps en temps. Mais. Non, mais c'est ça, mais les hoodies, on dirait. Des douches qui se détachent. Ah, ça va bien pour laver l'anus, ça. Des douches qui se détachent. Des douches téléphone. Tu sais, là, la douche, là, la tête. Je me rappelais pas qu'Algué Collectif, ça, des fois, ça dérapait dans ce sens-là. Écoute, on est réputé pour nos dérapes. On est réputé pour se laver le cul. C'est juste quelque chose qui fait du bien. Tu te laves, là. Ben écoute, ce climat de partage m'inspire que la fin de semaine va être super bien. Okay, mais je l'ai pas coupé, vous êtes moi, je veux juste dire une affaire. Live là, je prends pas la même douche qu'Éric. Hein? Ça de même, d'habitude, il y a deux toilettes à l'hôtel. Tu te laves la tête puis tu fais comment? C'est quoi, des velles pas, ça? Je me torche le cul quand même. Je te niaise, Rick, come on. Mais c'est des fois, il y en a qui restent. Mais pour dire... On n'est pas parfait. Donc, fait que la frénésie d'achat des fois à Comic-Con, tu sais, le linge, je suis d'accord avec vous autres. Tu sais, des fois ça va me pogner, puis le t-shirt est vraiment cool. Puis j'ai fait le ménage à mes t-shirts il n'y a pas longtemps. Puis il y a plein d'affaires que j'achète, puis je mets même pas finalement. Mais acheter des blockheads, des pop de Funko. Moi, je suis babiole. Tu sais, je vais acheter des petits gadgets, des cossins de main, mais je me vois tellement avec toi, Milter, là, parce que. Tu sais, tu dis, moi, c'est de trouver les petites affaires rares. Je sais pas si tu te souviens, je pense que c'était avec... C'était-tu avec toi, Rick, quand j'avais pogné mon Admiral Akbar? Ah, It's a Trap, là. Hey, man, oui. Je vois un Admiral Akbar vintage, genre l'équivalent de la poupée Ken, mais Admiral Akbar qui traîne dans un bac, puis c'est marqué tout à 5$. Je vois ça, puis je fais, oh my God! Puis je pars quasiment à courir vers le bac. Je mets la main sur le Admiral Akbar, je le prends, puis t'as un gars qui est à côté de moi, qui est arrivé à peu près en même temps que moi, puis qui fait « Ah, fuck! » Fait que, tu sais, les deux, on est partis en même temps, puis je l'ai comme réclamé avant lui. Puis, tu sais, c'est tellement en cave. Mais il décore bien mon bar en tenant ma bouteille de Sailor Jerry, par exemple. Puis, il y a quelque chose que tu parles de figurines un peu, puis d'achat dans ce genre-là. Je pense que Dick aussi, peut-être, il va être tenté. J'ai vu le vinyl bobblehead genre de Sharknado. Oh, ah, il est malade, hein? C'est comme 10$, 12$, ces petits bonhommes. Ah oui. C'est tentant, là, une petite tornade de requin en bonhomme, bobblehead un peu. Ah non, mais c'est malade, j'en ai acheté une panoplie, puis. C'est quoi le nom donc de ça? C'est des pop de Funko, justement. Pop, là. Funko. Hey, ma blonde était allée, c'était où? C'était ça à Chicago qu'elle m'a ramassé. Elle était rentrée d'un Barnes & Noble, puis il y avait rentré des pop Funko comme ça, puis. C'était un close-out. Il liquidait tout le stock, mais il y avait toute la collection des Star Wars. Puis, man, elle me les a toutes ramenées. C'était vraiment malade. Elle revient, puis, tu sais, elle s'est acheté des affaires cool. Lucien est allé d'une bibliothèque, puis il liquidait des livres d'une bibliothèque nationale là-bas. Tu sais, mettons, une édition de Shakespeare de 1830-quelques, 3$. Fait qu'elle s'est ramassée des livres de même, puis mettre dans sa bibliothèque, puis elle m'arrive, puis là, elle fait comme qu'un Jabba the Hutt, Yoda. Telle affaire. Puis là, tu sais, comme la panoplie totale de Star Wars, j'ai pleuré un petit peu. C'est cool. C'était beau. Une blonde qui pense à tout de même. Il y a trois que personne n'a parlé d'un bon souvenir du Comic Con d'Ottawa l'année passée, c'était les beignes. Ah, les petits beignes à 5$. Ah, oh, oui, tabarouette, ça, là, j'espère qu'il y en a encore. Là. Mais ça, tu vois. Moi, une partie de budget, juste pour ça. Moi, demain matin, je m'en vais m'acheter. Des sandwichs dans une place italienne dans le marché avant qu'on part pour un esti pour avoir du nabo parce que je me fais pas pogner là-dedans. Hey, tu peux t'acheter un steak au poivre. Fuck pour that. 5$. Sur le barbecue direct devant toi. C'est vrai que les choix de bouffe sur place, c'est pas. Ben, il était meilleur à Montréal, les choix de bouffe. Tu sais, t'avais le traiteur avec les points de pile. Ouais, puis à Montréal, quand tu sors de là, t'as plein de places. À Ottawa, c'est perdu ce qu'on s'en va. Ah, dans le Chinatown à Montréal, on s'entend, tu peux vraiment bien manger pour pas cher. Pendant des journées. Mm-hmm. C'est ce que j'allais dire pour Montréal. Ouais. L'avantage, c'est que tu sors, tu traverses la rue, puis tu es rendu dans plein. Il y a plein de restos partout. Que, tellement qu'à l'intérieur du Comic-Con, ils bookent même plus de. Ils ont un petit traiteur qui vend de la bouffe végétarienne, que personnellement, je déteste de mon plus profond. Puis, tu sais, genre, vraiment, moi, vraiment pas eu de choix, puis j'ai été déçu que j'ai pas mangé les trois jours que j'étais allé à Montréal. Tandis qu'à Ottawa, ben j'ai mangé sur place. Je l'ai pas mangé, puis j'avais le choix de manger du steak au poivre, justement, puis ces affaires-là. Il y avait des pizzas, des petits beignes, un petit peu de tout. Pas tant de choix que ça, mais beaucoup plus qu'à Montréal. Dans l'événement, je parle. Pas qu'à Montréal, il y a moins de possibilités externes. Fait que dans le fond, les petits beignes, la bouffe, il y a une affaire que j'ai vue aussi qui était cool, la page d'Ottawa Comic-Con, qu'est-ce qu'ils ont partagé? C'est l'équivalent d'un Funzo, on dirait à Ottawa, le Blurry Pixel. qui sont affiliés avec Ottawa Comic Con. Mais c'est-tu la place à Pinball, ça? Je sais pas, mais c'est un endroit qu'ils ont une page Facebook, il n'y a pas de photo du bar, rien. Mais apparemment, ils sont affiliés avec le Ottawa Comic Con cette année. Ils s'appellent Blurry Pixels. C'est proche ou c'est loin? Ben, je sais pas c'est où, mais honnêtement, ce serait cool de se renseigner et d'aller visiter ça. Tout de suite, on va dire si c'est atteignable pour nous autres. Fait que sans joke, là, ça serait peut-être une bonne petite place pour aller prendre une bière. Puis, Mais il y a la place à Pinball que je vais aller voir aussi en tour. Bon, on va aller voir, parce que c'est sûr, là, on parle d'Ottawa Comic Con, mais il y a Ottawa tout court aussi. Puis tu sais, on est proche du market avec l'hôtel. Fait que ça va être le fun d'aller se promener un petit peu. Là. Ouais. Toi, Nick? Ouais. Moment préféré de Comic Con à date? Autre que les bains. Ben, moi, je suis pas allé à celui de Montréal l'année passée avec vous, mais sinon, celui à Ottawa, ben, moi, il y avait bien des panneaux du monde que je connaissais pas bien, bien. C'est moi, vous savez que Star Wars, c'est pas. Ouais. Fait que Lando. Ben, nous, Lando était assez plate aussi, là, on s'entend. Mais j'avais bien aimé. Mais il y avait Gillian Anderson que. Ouais. Mais des fois, c'est pas que c'était hyper intéressant ce qu'elle avait à dire. Mais c'était quand même Gillian Anderson. Just Cooley, puis. Hot. Hot. Mais c'était cool, qu'est-ce qu'elle disait, puis. Sinon, j'avais bien aimé chose. Son nom m'échappe. C'est un gars de. Star Trek. Firefly, non pas. Ouais, le gars. Voyons. Calvaire, j'oublie son nom. Je sais exactement qui tu veux dire, il joue dans l'épisode de police. Il joue dans. Je joue dans plein de trucs, en fait. Je sais que là. C'est lui qui fait Malcolm Reynolds dans le fond. Bordel, pourquoi j'oublie son nom? Parce qu'on est mauvais. Puis il fait plein de vidéos drôles. Ouais, ouais, mais il est super impliqué. Comme qu'il y a un nom. Puis il est accessible, ça a l'air. Il répond beaucoup aux gens. Nathan Fillion. Il était drôle, lui. Et en passant à Blurry Pixel, même pas ouvert encore. Ah, c'est pas ouvert encore? Mais ils sont pognés une poutre au Comic Con pour. On va voir le bar courir. Ah, bon, on va aller les voir, puis on va essayer de leur jaser un peu à ce moment-là. Fait que, ouais. C'est cool, ça. Ah, Nathan Fillion, j'avoue que c'était un méchant bon panneau. C'est des bonnes découvertes. J'avoue que Nathan Fillion était vraiment cool. Puis... Mais c'est ça, même si moi je le connais pas beaucoup, au moins c'était drôle. Ben, c'était il est entertainer. Puis, ouais, c'est ça. Il est pas endormant. Là. Mais la première fois à Montréal, moi il y a 2 ans, quand j'étais avec André, il m'a amené voir James Marsden. Il était bon, connaissais lui. Vraiment pas. C'est un gars de Buffy. Puis ouais, c'est le méchant dans Buffy. Puis il a joué Piccolo aussi dans Dragon Ball The Movie. Ouais. Il s'excuse encore d'avoir joué Piccolo dans Dragon il Ball. Il l'a fait puis son fils. Ouais. Mais, il était super entertainant, là, puis ses histoires, ses anecdotes étaient drôles. Ah, il y avait un show de country le soir aussi. Parce qu'il joue de la musique country, ce gars-là. Il fait plein d'affaires. Je suis pas un fan de Star Trek, mais Patrick Stewart avec son fils le même jour. C'était une grosse, belle découverte que je serais probablement pas allé voir tout seul de mon propre gré. Ouais. André m'a convaincu. Finalement, c'est comme ça reste des panneaux que j'ai vus à Comic Con qui étaient des plus fun, des plus intéressants de tout que j'ai vu depuis le début. Là. Mais tu sais, moi, il y a une affaire qui m'avait marqué bien gros. Là, c'est à Montréal l'année passée. Tu sais que la première journée, on est passé proche. À un moment, on a fait bah, fuck off, on s'en va. Puis c'était la fin de semaine de la réunion de BSG. Le vendredi. Puis le vendredi, tu sais, puis là, je fais, ah, c'est ça, on va aller voir c'était panel-là, tu sais, puis t'avais Timo Panikit, puis je me souviens pas qui. Puis tu sais, il était supposé être tout seul, mais là, finalement, dans son panel, il dit, regarde, c'est vendredi, on voulait vous faire une surprise. Edward James Olmos, il rentre, le gars qui joue Gaius Baltar, il rentre. Fait que tu sais, toute la gang qui était là pour BSG sont rentrés, puis ils ont fait un panel spécial, finalement, puis ils ont comme crashé le panel de l'autre. Puis moi, j'étais là, j'étais assis, puis j'ai fait comme, ah, oh, wow! Parce que ça, c'est un panel. D'habitude, t'es dans une grande salle avec un paquet de monde. Là, c'était beaucoup plus petit, beaucoup plus intime. Puis la crowd était cool. Puis moi, j'ai vraiment trippé quand j'ai vu les autres rentrer. Fait que, oh, fuck, pour vrai, man! T'avais Colonel Saul aussi qui était là. Puis c'était... Ce que je viens de dire, un paquet de noms que plein de monde vont s'en sacrer, probablement. Mais... Ben, moi, je connais rien, là, mais... Ah, Battlestar, là, c'est... Pour moi, c'est une de mes meilleures séries à vie. Puis... Pour bien des gens aussi. Puis c'était cool de voir tout ce monde-là parce qu'ils ont été longtemps en onde. Puis ils ont travaillé longtemps ensemble, cette game-là. Ils avaient été gâtés avec ce panel-là. Ah, c'était cool, là. Puis la seule affaire que j'ai moins aimé, par exemple, c'est quand je suis retourné voir le gros panel. Ben, c'est sûr que là, ils répétaient un peu les mêmes histoires et les mêmes choses. Fait que mon hype du gros panel avait descendu, mais le souvenir du petit panel rehaussé est encore plus hot. Je me demande jusqu'à quel point c'est le fun de faire ça pour eux autres quand c'est. Répétitif, exemple, tu sais. Ben, imagine, nous autres, dans 14 ans, qu'on est allé faire nos grosses réunions avec 40 000 personnes. Écoute, si on fait des réunions à 40 personnes, déjà, direct en partant, je vais être heureux. Ouais, non, mais tu sais, comme dire la même chose de soir en soir et faire comme si le deuxième soir, c'est aussi intéressant. Ouais, mais quand tu y penses, là, déjà, on le fait tout inconsciemment avec nos chums parce qu'on radote tout un peu. Tu sais, hey, te rappelles-tu la chatte qu'on avait viré une brosse quand on était monté à telle place? Puis t'as tout le temps du nouveau monde qui ne connaissent pas l'histoire. Puis t'as tout le temps ta blonde ou ton collègue de travail, tout à qui est à côté de toi. Puis, hey, t'accomptes à chaque fois cette histoire-là. Hein. Maudit fatigant. Mais là, en place, il embarque, puis comme il en met, parce que c'est. Ah oui? Puis t'es payé pour ça, en plus, pour aller radoter tes mêmes vieilles histoires. J'avoue, paye-moi, je radote pas payé. Fait. Ben, c'est ça, tu sais, on radote gratis, pas payé à chaque deux semaines. Là, fait que. Mais j'aimerais dire, en passant, là, la Audi Ernest. C'est quoi, c'est un A6 ou A4? A6 ou A4? A6. Ouais. C'est 41 minutes qu'on la suit. Mais belle. Ouais. Ben ouais, sinon, moi j'irais du même côté à Milter, que j'aime bien les petits kiosques qui vendent des cossins. Moi j'aime ça, ramasser des cossins. J'aime les t-shirts. Les vieux jouets, tu sais, où est-ce que tu peux te pogner genre un vieux E-Man là, à 2 piastres ou 250 piastres, ça dépend de. Puis du monde qui. Les petits bouts, tout ce qu'un gars écrit des bandes dessinées de zombies, whatever. Donc, ouais, puis tu les avais pas achetés, finalement. Je vais peut-être checker, ils vont peut-être être encore là cette année. Moi, cette année, il faut t'y prendre. Je sais qu'il y a SV Bell qui va être là encore, que j'ai parlé un peu au Comic Book Day à Boîte à BD à Laval. J'avais jasé un peu, puis il va être là. Malheureusement, c'est qu'il me disait que le nouveau numéro de sa bande dessinée. Il a envoyé ça au printing trop tard, fait qu'il les aura pas là sur place. Il va les avoir pour celui de Montréal. Ben, regarde, au moins s'il les a pour Montréal. C'est sûr c'est plate parce que là, à longue distance de même, t'as du monde qui viendront peut-être pas nécessairement à Montréal, fait que ça aurait été bon pour lui. Là. Ben, c'est sûr. Mais c'est cool, ses affaires ont l'air à aller bien lui avec Black Flag TV. Ouais. C'est vraiment le fun pour lui. Là. Je voulais dire aussi là, à Ottawa, on parlait de ton. House of Targ, c'est quelque chose que je veux voir. C'est quoi ça? Ce qui spécialise dans une microbrasserie, des microbrasseries de bière, des pierogies, puis du pinball. Puis ils ont plein de vieilles tables de machines. Ils doivent être graisseuses en calvasse sur leur table de pinball, par exemple, avec des pierogies. C'est une place qui est quand même assez huppée. Mais on ira faire un tour. Puis c'est du pinball à volonté, c'est toujours le fun. Ben, du pinball, du coup, c'est le fun. S'il est à volonté, c'est encore plus le fun. Surtout quand ils sont graisseux. Juste pour que vous sachiez, je me fais jamais battre au pinball. Hein. Je sais pas si vous saviez. Tu gagnes tout le temps. Je gagne tout le temps. J'ai jamais perdu. Tout le temps. OK. Challenge accepted. Ben, moi, j'ai toujours perdu au pinball. Ben, ça veut dire qu'on est dû. Fait que quand tu vas gagner, tu peux rien dire. Ben, en fait, non, je vais pouvoir le dire. Je vais même pouvoir aller. Marqué, je viens de battre Eric, hashtag GCOCC 2014. Je vais commencer à pratiquer tout de suite dans Star Wars Pinball. Turn down for what? Turn down for what? Boy. Quoi? On est rendu, là. C'est quoi la pancarte? C'est quoi cette petite pancarte? Ben, ça dit fais attention, puis. Il y a des flèches. Ça veut dire fais attention, puis suis le trafic, regarde comment le gars en avant de toi roule. Ah, regarde pas la pancarte, regarde le char. Mais c'est beau, les paysages. Je te dis, man, la 50, c'est beau en tabarnak. C'est beau gazon jaune. Partout. Là, c'était cool de faire un genre d'overlay avec l'épisode de l'année passée où Eric dit encore la même chose. Hey, la 50, c'est beau en tabarnak. C'est beau. Faut qu'il y ait deux chiales sur le Parlement aussi. Ouais, ça, c'est vrai. On l'a pas vu encore. On arrive bientôt, voir. Là. Non, ben, on va commencer à voir le Parlement dans pas loin à distance. Là. Tu vois, on va sentir que les Canadiens. En fait, on a passé du sursaut pour ces histoires-là. Fait que. Tu sais que sursaut, c'est la ville, comme quand ça pue à Ottawa, tu dis que ça sent le sursaut. Ouais, c'est parce que c'est les pâtes et les papiers. C'est ça. Mais on blâme toujours à sursaut. T'es là, tu vois, ouf, sursaut. Comme à Hochelaga, tu sais, ouf, pomme. Ah, comme ça arrive, non, tu dis ça vient de quoi? C'est les. Ça vient d'Hochelaga. Non. Moi, j'ai du Mascouche, ça pue. Non, t'as une plage juste à l'est de Mascouche. La plaine. Non. La Chenette. Pas la chenesse, c'est pas l'épiphanie. L'épiphanie, bois des filions. Ah, j'ai oublié le nom, faut que je le retrouve. Saint-Lin. Proche de Saint-Lin. C'est bon. Ah, ça venait vers Rodin. Rodin. Rodin. Saint-Lin. Sainte-Béatrice. pas. J'ai oublié le nom, mais en tout cas, il y a une place, ça sent tout le temps à marde. Je m'excuse. Mais... C'est une A5, ça. C'est pas grave, on l'a pas dit. Fait que... On l'a pas dit, c'est où, mais il y a une place, ça, dans le bout de Saint-Lin, puis le kit, là. Ça sent à marde. On dit ça de même. Pas rien qu'un peu. Mais non, assez pour me faire lever les vitres, puis partir l'air climatisé, en hiver. Gatineau, 28 km. Gatineau, centre-ville, 28 km. Rick, tu vas devenir notre navigateur à partir du moment où on va rentrer à Gatineau. Je saurais plus où aller. On a une petite vue d'Ottawa, là. Tu peux voir Ottawa. À Ottawa. Ottawa où? À gauche? Tu vois des buildings d'Ottawa. Oh. Les 12 buildings à Ottawa, là. Tu vois d'ici. C'est une toilette bleue, c'est Rick. Oh, c'était ça pareil quand il pointait là. En tout cas, Gatineau là, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que c'était pas Gatineau, c'était comme le Laval d'Ottawa avant. Ok, ont... fait quoi Laval, c'est de la merde? Laval, c'est de la merde. Ce que j'aime Eric là, t'as aucun préjugé. Toutes les villes qu'on traverse l'une après l'autre. Là, c'est là qu'on dit que l'opinion d'Éric n'est pas partagée par tous les membres du collectif. C'est un petit... Balle. Mais j'avoue que le centre d'achat Gatineau, c'est la crise de merde. Le parking, là, qu'est-ce que c'est ça? Puis deux étages, hein. Tu rentres, faut que tu descendes dans un sous-sol. C'est cool, ça? Il fait toujours frais dans un sous-sol. C'est pas cool. C'est quand même mieux que l'avant. Moi, je vous trouve pas mal plein de haine, les gars. Le carrefour, j'avoue que je me perds tout le temps dedans, puis ça fait comme 20 ans. Comment tu peux te perdre dans le carrefour? C'est fait en rond. Il est pas fait en rond, il y a des triangles partout. Ah ouais, c'est fucked up. Hey, c'est un hexagone. Qu'il y a des maps partout. Je suis allé dernièrement, je cherchais le maudit David City. Il est à côté de la foire alimentaire. Ben ouais, mais... Du Rona. Et où la foire alimentaire? J'ai fini par la foire alimentaire est du côté est de la bâtisse, proche du Sheraton. J'ai fait le tour. C'est vrai, ils l'ont changé de place. Ça compte pas, t'as l'application GPS du Carrefour dans ton téléphone. Fait que tu y vas. Hey man, j'ai livré du Subway à l'intérieur du Carrefour quand j'étais jeune. M'a dit de quoi, là, depuis ce temps-là, là, les ventes trottoirs, là, je leur pisse au cul. Il y a tellement de monde, tu te prends ta sacoche pleine de Subway, puis là, le monde, il kick ton sac, puis t'arrives, puis là, le gars, ma salade est écrasée. Ben, là-bas, je te dis, c'est des animaux là-bas. T'as pas vu comment ils ont été avec les autres de porc ici? Je te dis, ils savent pas se contrôler là-bas. Coco Gate, man. Oh, boy. Non, mais t'imagines-tu, t'as la personne du centre de la nature qui organise ça? Puis un matin, là, l'Internet pisse dans tes cornflakes. Non, mais elle était sa télé. Tu l'as pas vu sa télé après elle? Non. Ils l'ont interviewée, genre, comme à 1h30 l'après-midi, là, après cette hell-là. Là. La fille, elle avait de la burn-out. Ben ouais, mais tu vas-tu brailler? C'est qui était drôle. Ça a l'air, ils ont ouvert les gates, puis tout le monde se sont pitchés comme des animaux à aller chercher petit coco. Puis le monde pitchait leur enfant par-dessus la clôture. La belle vue d'Ottawa, Milton, tu peux voir le Parlement ici un peu aussi. Il est où ton parlement? Alors, il est tout à fait là-bas, là, c'est une petite pique. Là. Wesh. Ah? C'est beau, Ottawa, hein? Ben, c'est banlieue en Christ, là. T'sais, c'est comme Laval, là, en ce moment. Faudrait pas qu'il y ait un cocoton ici, là. Ça exploserait. Non, ils sont civilisés, ça. C'est pas Laval. Ah, puis en plus, il y aurait une guerre linguistique. Fuck! T'appelles ça le cocoton de Gatineau, ben. Cocoton Gatineau 2015, préparez-vous. Les enfants avec la moitié de la face peinture en bleu. Les parents de voler des œufs, des sacs des autres enfants. Hey non, mais on s'entend-tu, là, c'est vrai, ce truc-là. C'est vrai, ça. Là. Comme c'est même pas une joke, là. C'était des... Ils attendaient genre comme 1000 personnes. Ça finit comme 4-5 000 familles, tout le monde. Mais je l'ai entendu comme parler, mais j'ai pas été voir d'image, rien vu. Juste la vidéo. Il y a des vidéos, là. Ben, il y a des vidéos de gens qui ramassent leur... Tu sais, quand t'as de l'aide internationale en Somalie, là, mais sont plus civilisés quand ils vont ramasser leur riz qu'eux autres ils étaient pour aller ramasser des œufs. Tu sais, ça ressemblait. Ça donnait quoi en bout de ligne de ramasser des œufs? Ben, c'était tu avais des œufs. Tu ramasses des œufs au chocolat puis tu fais ça dans ton panier. C'était juste ça. Ouais. Il n'y avait pas de prix. Ça ressemblait à des vidéos de Boxing Day aux États-Unis, genre. Ouais. Ok, ouais. Des enfants qui se font piétiner. Boxing Day aux États-Unis, non, mais Black Friday, oui. Ah oui, c'est ça, Black Friday, parce que Boxing Day, c'est plus cool, là. c'est très Canadien, ça. Très Canadien. Aïe, aïe. Hey, comment ça fait beau, là? Ça va faire du bien? Je me mettrai peut-être pas en jean, finalement. Je vais y aller nu au non, je vais rester en short. En passant, Batman va peut-être faire une apparition en fin de semaine. Ainsi qu'un masque de cheval. Et de zèbre. Et de zèbre. Ah, puis j'ai amené Superman aussi. Superman avec le monobrow, là? Ouais. Ben lui, il n'y a plus le monobrow. Ça, c'était check la toilette pour, bleue. C'était pour rire de Patrick Lafrance. Ben j'avoue, il y a une toilette bleue dans les airs, là. Tu sais, il y avait une toilette bleue dans les airs. Parce qu'on est en Ontario. Pour tomber en apesanteur. Pas besoin de flasher, ça tombe peut-être. T'as pas assez haute pour l'apesanteur, par exemple. C'est comme des avions, là, ça tombe. Aïe, aïe. Ça paraît qu'on s'est levé de bonne heure. On a moins de jasette que d'habitude. Couché tard. Couché tard. J'ai bu, j'étais fru. T'es fru pour ça quoi? Ça paraissait pas pantoute. T'étais fru pour quoi? Hein? T'étais fru pour quoi? La défaite du Canadien. Ah, OK. La défaite du Canadien n'a pas aidé. Rien de mieux en plus quand t'écoutes une game de hockey avec un chum, puis t'es là avec nos femmes, puis à chaque que tu te niaises pas, tu t'aurais peut-être apprécié ça, Nick. Mais à chaque pause, il fallait qu'on coupe ça à l'amour est dans le pré. Ça, c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on a retourné à la game. Y a-tu Frenchy Sylvie devant un tas de fumier? Je sais pas, mais l'amour est dans le pré, là, c'était une vraie machine à bébé, cette affaire-là. Là. Il y avait combien de participants cette année qui s'appelait Kevin? Je sais pas, là, mais. C'est pas un nom rural, Kevin. Mais la fille qui s'est tatouée deux phrases sur le chest a marié un gars qui a un tatou de gauche. Fait que match made. Attends, deux phrases sur le chest? Ouais, le deux phrases d'être par-dessus. C'est pas simple. C'était quoi ces phrases? Never forget? Ou... Ah, je sais pas. Là. C'est que never forget. Cocoton, never forget. Au feu, jeu, en chinois. Au feu, vie. Puis dans le fond, le gars, il a écrit je suis pas capable de lire les kanji. Merde de personne idiote, blablabla. Tribal japonais dans le coup. Ah, wow. Mais la déception de Rick hier a fait mon bonheur à moi, vu que j'étais un partisan des Bruins. Que... Ah, ben moi, ta déception m'aurait jamais fait mon bonheur, Nick. C'est pas on n'est pas de même. Non, mais c'est pas ta déception qui a fait mon bonheur, mais c'est étant donné que t'étais déçu pour une défaite des Canadiens. Moi, ça se balance. Je trouve tes propos choquants, Nicolas. Tu devrais avoir honte. On t'invite plus à l'émission. Ta tristesse ne fait pas mon bonheur. Pas ah, pas c'est la défaite du Canadien qui fait mon bonheur. Marchand pourrait manger de la merde. Marchand. Mais là, le monde ne comprend pas, là. Écoute, on parle de hockey, là. Ouais, arrêtez ça, là. Non, mais ben, les gens qui écoutent le geek collectif et qui sont rendus à qui sont rendus à loin de même dans cette émission ici, on est à Montréal, puis les Canadiens sont en série, puis fais pas semblant que tu sais pas, mais il y a du hockey. Ça existe, là. Ça existe, le hockey. C'est pas rien que dans nos pires cauchemars, là. Non. Puis, n'oublie pas de faire sûr de rappeler à tout le monde que t'aimes pas le hockey. Parce que ça, on a besoin de l'entendre. Ça, on a besoin de toujours quelqu'un qui nous rappelle qu'il n'aime pas le hockey. Oh, je viens de voir un drapeau du Canadien ici, à Gatineau, le Laval d'Ottawa. Il aurait pu voter pour les sénateurs, mais non. Ah, non, les sénateurs sont pourris. Lui, il n'a pas voté pour les sénateurs. Le monde vote au hockey? Hein? Toi, c'est même ça marche, c'est un. Mais le monde vote, tu sais, toi. Il vote pour qui il va tout... faire plus. André, c'est le Canadien dans Gatineau, il vote tout rouge, ça, tu sais. Bon. Subtil, Eric. Subtil. Aïe, aïe. Politique collectif. Le boulevard Lorrain à Val-des-Monts. Oh. Mais tu sais que t'es au Québec, t'as un Val de quelque chose. Ouais. Avec la Politeille qui est dans le coin. C'est la SQA est en train de... Il y a de quoi à terre, hein? Ouais, c'est ça. Il y a l'air d'avoir des trucs brisés. Une boîte de pizza. Ouais, une sale. Gang de sauvages. Tu gaspilles pas de la pizza, voyons. Puis les autres, c'est quoi? Ils ont échappé de quoi, du truc? Je pense que ça va l'air d'un char, ouais. Tu sais, l'autoroute avec son char téléguidé. Un char téléguidé sur l'autoroute, hier. N'importe quoi. Gatineau. C'est-tu que le monde ici, ils sont fuckés. Hashtag Gatineau. Hashtag Gatineau. Fuck Laval. Calvaire, Rick! T'es en feu, là! Il est allé hier à Laval, là. C'est ça! Ma blonde reste à Laval, là, à cette heure, fait que je passe quand même beaucoup de temps à Laval. Je reste à Laval. Tu sais, Nick, il y avait un temps, sais. Man, t'étais dans le fucking cool de Montréal. Ben, techniquement, il est encore dans le fucking cool. Encore. Ben ouais, mais tranquillement, pas vite, là. Je te vois, là, tu te corrompes, là. Fais attention. Ça sent les épices quand tu vas chez Nick. Laval. Il va falloir que tu montes une carte pour aller jouer pour les Cobras, parce que je pense pas qu'ils vont pas t'accepter dans pas long. Fuck les tigres. Fuck les tigres de l'Est. Vive les Cobras du Schlag. Aïe. Hashtag Waste Bomb. C'est quoi que vous avez rajouté dans vos guidebooks, là, vous autres? Parce que quand on va à Comic-Con, dans le fond, une application qui vaut la peine d'avoir, c'est Guidebook. Mais toute convention. Toute convention, en fait. Tu vas pour la job, tu vas pour un Comic-Con, tu vas pour les voitures, pour la cuisine, pour la bière. Parce qu'ils permettent de mettre leur horaire interactif. On peut faire notre propre horaire là-dedans. Ça met des notifications pour nous aviser d'avance. Moi, je veux savoir, là, aujourd'hui, là, c'est quoi votre plan de match? Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Mon plan de match aujourd'hui, c'est que à quelque part pendant la journée, je vais manger un shawarma. OK. C'est une chose, parce qu'on est à Ottawa. OK. Puis ça, si je peux faire un tip pour n'importe qui va à Ottawa, fuck les Amir, puis les Bacha, puis les Elbedina, là. Ottawa, il y a du vrai fucking bon bouffe libanais. Tu l'as dit, moi, j'ai vraiment pas de plan pour. Moi, c'est le plancher que je veux, sérieux. Là. OK. J'ai checké, il y a l'affaire de tes monstres, là aussi, là, que je trouve ça d'air cool. Tokatsu, man. Ça, je l'ai mis dans mon guidebook. Ça m'intéresse un peu. 4h15, hein, ça, je pense. Ouais. Mais vraiment, c'est le plancher que je vais aller dessus. Je vais aller zoner le plancher. Je vais aller au Blue Griffin. Il y a toujours des gars qui est là avec ses jeux usagés. Je vais aller là comme la première journée avant que ça se fasse saccager demain, là, voir si c'est des choses intéressantes. Puis c'est ça où, en passant, là, ça va être. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée où on va pas vraiment te checker sans se faire harceler trop. On va faire un bon plan de match aussi. Demain, ça va être le chaos total, là, comme que c'est tout le temps un samedi, un Comic-Con. Oui, j'ai mis aussi pour aujourd'hui. Les panneaux sont pas mal tous demain, les panneaux intéressants. Les gros panneaux, ouais. Mais il y a Neil Adams tantôt à 7h30, un gars qui a fait du Batman, du X-Men. Ouais, c'est vrai. Plein d'affaires, là. Green Lantern, Green Arrow, travailler là-dessus. Une personne assez importante dans le comic book, là, si on peut dire, là, dans le comic book industry. Sinon, ce que j'ai mis, c'est aujourd'hui. J'ai Bruce Campbell demain. J'ai demain à 2h45, c'est vrai, j'ai. Ça s'appelle le Musical Celebration of Nerd Culture. Puis c'est animé par un gars qui s'appelle Word Burglar. Là. J'avais posté une couple d'affaires de lui sur Facebook. Ah, t'es sérieux, il y a ça? Ouais, ben il fait du hip-hop de geek, lui, si on peut dire. Du genre de 8-bit geek rap, des fois. Là. OK. Puis comme il a fait des tunes sur Comic-Con, genre, puis il a filmé des clips à d'autres Comic-Con. Puis il va être là demain à faire son genre de panneau. Puis ça pourrait être vraiment intéressant. Ça. Puis tout dans ces affaires-là. Là. Ouais, non, ça va être cool, ça. Ça va être intéressant, là. Il y a une affaire que je suis pas sûr. Bruce Campbell, demain, c'est à 1h45. Mais ça dit que ça dure une demi-heure, je pense. Ou c'est quoi? C'est-tu moi qui a mal compris? D'habitude, c'est quoi? C'est 45 minutes, une heure maximum. Mais ça va dépendre des. Tu sais, il y en a qui veulent pas faire une heure, justement, parce que c'est pour redondant. C'est moi qui s'est trompé, c'est qu'ils vont m'avertir. Mon téléphone va m'avertir une demi-heure avant. Ah ah! Parce que Guidebook t'avertit aussi pour pas que tu sois en retard. Je trouvais ça louche qu'il fait juste une demi-heure parce que me semble qu'il est réputé pour être un giver un peu. Là, tu me fais penser à quelque chose. On va faire le check-up pour voir si tout le monde a respecté les règles du Comic-Con. Tout le monde a des chaussures confortables. Oui, oui. Tout le monde a quelque chose pour sa Nintendo. Non, il parle, là. C'est un pylône électrique, Eric. C'est pas le Parlement. Non, il y a le Parlement là-bas. Je sais que les deux sont laids. OK, fait que souliers confortables. Bouteille d'eau? Oui. Oui, vitaminé. Ouais, ou de l'eau vitaminée. Argent comptant? Oui. Non. Non, faut pas. Va falloir qu'on trouve une banque pour vous retirer de l'argent comptant, messieurs, on paye cash à Comic-Con. Le gouvernement aime ça quand on paye cash à Comic-Con. Amenez vos muffins. Fait que dans le fond, le Comic-Con, c'est comme un gros quartier chinois pour les comics. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Il n'y a pas des fakes partout, par exemple. Tout le monde a un sac à dos aussi également pour pouvoir transporter leurs achats et leurs trucs. Oui. Good. Tout le monde a amené du déodorant? On va. André? Le pire, c'est que j'ai oublié de l'acheter à l'épicerie tout à l'heure. On s'était confiné à matin. Va falloir que j'arrête d'un pharma-prix ou quelque chose de même. Ça s'appelle-tu un pharma-prix ou? Un pharma-prix. Non, c'est pas un Shoppers Drug Mart, ça? Peut-être. En passant, on voit le Parlement encore ici, là, très bien même. Éric, aimes-tu le Parlement? Moi, j'aime Canada. OK. Mais fuck Laval, hein? Ouais, fuck Laval, mais j'aime le Parlement. C'est pas le Canada. Moi, ce Canada, c'est même pas Montréal, hein, en passant. Ah, oh, man, t'es sérieux? Laval, c'est pas Montréal. Qu'est-ce qu'il devrait avoir? C'est quand même qu'André, t'es à veille d'être sur le bon côté de la rivière. Pour les auditeurs, ça a l'air niaiseux, par exemple. Ce qu'on vient de dire, là, les chaussures qui sont confortables, le sac à dos. Honnêtement, là, c'est un must quand vous allez d'un Comic-Con. Là, parce que vous finissez toujours par acheter un petit cossin et vous voulez pas traîner le sac en plastique à la journée longue. Nous autres, on est chanceux pour une raison, dans un sens. OK, oui, le sac à dos, on l'amène pareil. Mais vu qu'on a des billets de luxe, ils nous donnent un petit sac d'habitude comme cool, pas jetable, mais un recyclable qu'ils disent. Là, ouais. T'sais. Milter, garde ça en tête. 30 secondes, excuse-moi. Batterie. Ouais. Petit problème technique, il a fallu qu'on arrête. Désolé, changer les batteries. On est rendu à Ottawa, là. Ouais, on est bien pieds. Puis contrairement à quand tu arrives à Montréal, ben t'es direct à ta destination quand t'arrives à Ottawa. Milter, tu disais quoi de super intéressant, puis on t'a coupé en raison de problèmes techniques. Puis j'ai carrément oublié c'est quoi que je disais. Mémoire à court terme affectée, toujours. Mais on parlait pas de mettre des chaussures, puis sac à dos. Puis là, toi, tu disais qu'ils te donnaient le... la phase de luxe. Sac, on est de luxe, nos billets de luxe, on a un genre de sac recyclable cool du Comic-Con que moi, personnellement, j'utilise régulièrement dans ma vie de tous les jours. Et puis, en plus, on a un comic qui vient dedans exclusif à C'était quoi cette année? J'ai juste vu un cover cette année. Les autres années, ils les affichaient tous. Ouais. J'étais comme, oh yeah, c'est comme un petit hype. Cette année, j'ai juste L'année passée, il y avait les Turtles. Les Turtles, il y avait Dr. Who. À Ottawa. Ouais, ça se passait tout à Ottawa, même les Turtles, les Ottawa. Dr. Who? L'année passée. Non, c'était Star Wars. T'as le chemin, toi? Ouais, mais ça va être facile. Je sais pas. Sur rideau, ça va prendre une droite. Rideau à droite? Ouais. OK. Puis c'est dans. Tu vas me dire quand? Ouais. Ah, mais ça, c'est cette année, je pense qu'il y a un autre G.I. Joe, mais c'est le seul que j'ai vu, maintenant. Il y en a un aussi qui était bizarre, celui de Carl Urban. Là, c'est comme une page couverture de la BD. Puis là, je viens de dire ça, je vais sûrement pogner ce BD-là. Mais t'en avais une, c'était comme une photo de Carl Urban. The Adventures of Carl Urban. Ouais, de quoi de même, là, tu sais, c'est comme la photo du gars, c'est de la BD. Je trouvais ça poche un peu, mais... Mais c'est peut-être pas ça, là, c'est peut-être juste... J'espère c'est pas ça. Un marketing point, genre, puis que c'est pas un des BD qui donne. Ouais. Parce qu'à date, mes logs de BD, là, ben une chance que toi, tu m'avais donné une Ninja Turtle. Ouais. Parce que j'aurais été triste. Le cas de Ninja Turtle, je l'ai pas, là. Je me couche pas le soir. À droite, dans pas long. Ouais, pas cette réussite, mais la prochaine. La prochaine à droite? Ouais, c'est OK, fait que je suis le truck, dans le fond. Ouais, le beau petit truck fatigué. Il s'en va au suite. Mais en passant, c'est ça qui est fucked up d'Ottawa, c'est que pour bien des livraisons, il faut que tu passes d'un autre centre-ville d'Ottawa pour les camions. Fait qu'il y a bien des gros camions. Là. Déjà qu'il y en a un arrière, il y en a un avant. Il n'y a pas de route qui détourne rien. Il faut vraiment qu'ils passent à travers d'Ottawa. LCBO aussi. Hop, oh, LCBO. Tu veux-tu qu'on arrête à LCBO tout de suite, aller chercher le Wayne Gretzky Wine? Oh, on peut bien. Ah, ben oui, t'as qu'à y être, on a un peu de temps. OK, puis son parking, il est où, lui? Ça, c'est la rue Georges, hein, Eric? Ici, c'est la rue Georges. Puis c'est correct, c'est pas Georges aussi. Hein. OK. Ce qui est intéressant de la rue Georges ici, là, c'est qu'à droite, ici, c'est la rue Georges. Il y a un métro. Ouais. Puis toute mon adolescence, ben c'est là que les autobus venaient nous ramasser pour aller à des raves. Cool, cool. Ouais, c'était... Fait que t'étais un rave kid, toi, quand t'étais. Ouais, moi, de 15 ans à 18-19 ans, là, j'étais... Ouais. Fait que le Wayne Gretzky Wine LCBO, on va enfin pouvoir acheter ça. Là, toi, faut t'en prendre une caisse. Ben, ma soeur, elle m'a demandé d'en acheter 12. OK. Mais, cascade, mais c'est un peu, hein? On verra, là. Je vais checker, là. C'est surtout pour la place dans le char, là. Ben, écoute, il reste un peu de place dans la valise, mais je sais pas, c'est 12 bouteilles de vin, on va faire fitter ça. T'exagères, la soeur. Scam tes habitudes, là, d'alcoolique, là. Sacrément, ça gaule fort. Non, mais gars. Y a-t-il du parking à cette LCBO-là? Oui, tourne à droite, ah, un parking là. À gauche. Là. J'attends juste que le truck me laisse passer, puis le taxi fait un U-turn. U-turn en pleine rue. Un taxi Blue Line. Désagréable. Okay. Ah ouais. Ben, ça fait plaisir, écoute, je suis courtois, je viens de Montréal. En fait, Laval. Qui n'est pas Montréal, selon Éric. Dis pas ça. Pas Montréal. Bon, il y a un pay meter, mais mettons, moi, je veux pas payer parce que j'étais un. Tu restes dans ton char pendant que les autres y vont? Ben non, hey! Je vais acheter du stock à LCBO, ah, okay. Moi, Rick. Pourquoi il y a des paniers d'enfants dans les parkings de LCBO? Donc, on va faire une autre courte pause, aller acheter le Wayne Gretzky Wine et on vous revient après ça. Fait que on est fully loadé de Wayne Gretzky Wine. Une caisse de 12 de bouteilles de vin. Hey, lui, c'est mis proche en tabarnak. On est devant le Don Cherry's Sport Grill pour les fans de hockey. Ah, si, ça sort pas par là, je pense. La place où tous les serveurs ont des sautelets. Moi, je pourrais pas me revirer. Toi, tu vas attendre, hein? Non, il attend pas. Ouais, il l'a fait pareil. Hein? Une valeur. Bon, y a-t-il une sortie, ce bord-là de la rue? Ouais. OK, je pense par ici, j'aimerais être correct. Là, on s'en va sur le boulevard ou l'avenue Rideau, monsieur Eric. C'est sur Rideau à droite. Rideau à droite. Ça, j'ai le droit de sortir ici, moi? On va s'en rapporter. Oui, on a le droit. OK, cool. Ah, c'est parce que je voyais des gars bien en armée de l'air, là. Eux autres, faut pas défâcher quand t'es sur terre. Ici, on a Jeff Daniel à notre droite. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ben, dis donc, si Dumb and Dumber 2... Jeff Daniel à droite, hein? Tabarnak, man, tu chauffes mal, mon gars. OK, là, là, moi, je sors d'ici. Hostie de mangeur. Oui, OK, bon. On l'a eu. OK, là, c'est tout droit? Eric? Oui, ça va être tout droit, puis ça va être à gauche, sur Dalhousie, là. On est. Dalhousie, c'est quoi, c'est la prochaine? C'est la troisième. La troisième? OK. Ouais, je sac beaucoup quand je conduis, finalement, je me suis rendu compte. Mais pas après moi-même, après les autres. T'es comme ma blonde, j'ai remarqué ça. Mais avec un peu moins de female body parts. Ouais, je parle côté conducteur seulement. OK. Je m'en ai barré à la porte en me couchant le soir, là. Des plans que tu viens de me faire un bébé. Ah, so wrong. Finalement, Ottawa... C'est plate. On vient d'arriver, là. C'est plate. Ah non, c'est pas vrai, là. C'est, je suis pas habitué. C'est un cachet vintage. Fait que là, c'est Whaler. Lui, il vient de se faire couper solide par un autobus. D'aller aussi, c'est-tu ici? Oui. Fait que c'est à gauche? Oui. Le Cora qui est là, c'est là qu'on a déjeuné l'année passée. Ouais, fait que c'est juste là. On est arrivé bientôt. Vas-y, oh, petite fin. Cool. C'est nos bacon. Et tu encore là, la poutinerie. Les sweets, on est rendus. Oui, on est sauf là, j'ai-tu une voix qui vire à gauche? Chez Smokes. Faut peut-être un parking en dedans, fait qu'on suit les pipes en tout, qu'est-ce qu'il faut faire. Ou faut que tu rentres dans le parking, qu'on aille prendre notre chambre, puis qu'après... Ouais, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va rentrer dans le parking. Puis... Je vais flasher tout de suite à gauche. Fait qu'on arrive à l'hôtel Les Suites. Fait que dans le fond, regarde, on arrête-tu l'épisode-là, les boys? C'est un peu comme la dernière fois, on arrive, on coupe ça là. Ouais, je pense qu'on est rendu là. Je pense que c'était nous sur la route en espérant vous avoir diverti pendant notre périple. On se revoit sous peu. Fait que c'était Classy Montréal, puis à bientôt. Ciao, ciao, là! Ciao! Bye-bye!